Les séances de lecture et séminaires sur le message de nouvel an prononcé par le dirigeant suprême Kim Jong-un ont eu lieu du 3 au 5 janvier en Roumanie, en Suède, en Finlande, en Slovénie et au Congo démocratique. Dans les salles étaient exposées des photos sur les exploits révolutionnaires immortels du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il et des photos sur les activités révolutionnaires du dirigeant suprême Kim Jong-un. Y étaient également exhibées des œuvres classiques des grands hommes Paektosan, des livres et des photos présentant la réalité de la Corée en essor sous la bannière de Sun Kun. On prépare des personnalités de différents milieux et des habitants des pays hôtes. Les orateurs ont soutenu totalement le message de nouvel an prononcé par le dirigeant suprême Kim Jong-un et espéré que le peuple coréen obtiendra de grands succès dans tous les domaines sous sa direction cette année aussi.